Vous donner la parole. Président Bandakani, comment vous analysez cette situation? Ben, après l'excellente sociologie politique et historique de Mme Kak qui vient d'être faite par Bertrand Tassina, et c'est un autre honneur en plus, je m'attarderai sur les aspects géodiplomatiques. Mais je dirais un mot sur le président Rajoelina par rapport à ses responsabilités et sur la nécessité de clarifier, d'une clarification de sa démarche politique qui s'impose. Je dirais un mot sur ce qu'il a appelé l'Union africaine, que j'appelle organisation vaurienne. Vaurienne. Je n'ai pas dit qu'il y a des vauriens là-bas. Je dis l'organisation est vaurienne. Il reviendra maintenant à ces gens sur qui nous avons des présomptions d'hommes valables, qui sont des hommes valables, de nous dire qu'est-ce qu'ils font là-bas. Dans les conditions de l'Union africaine, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Voilà. Bachir, de quoi est-ce qu'il s'agit? Madagascar joue sa survie historique dans cette question. Ce n'est pas une affaire. Les gens prennent ça à la légère, là. On joue. Si ce pays s'amuse, c'est sa disparition, là, qui est à l'ordre du jour et qui est portée par le lobby. Qui est le propriétaire, n'est-ce pas, M. Bachir, de ce que vous appelez le président français. Parce que je vous ai dit que c'est une propriété des Rothschild. C'est un bien privé des Rothschild. Donc, Madagascar joue sa survie historique. Un, si ce pays perd ses îles et passe, Bachir, si elle va entrer dans l'histoire que je vois la France prépare, là, que projet de développement commun, c'est-à-dire projet de développement commun. Si Madagascar entre dans cette affaire, ça n'est terminé pour ce pays. Il va disparaître. Alors, il ne s'agit pas d'une disparition physique en tant que telle, mais il deviendra moins qu'un comptoir néocolonial. C'est-à-dire un comptoir néocolonial serait mieux que Madagascar. Mais là où c'est grave, Bachir, et là où nous, les panafricanistes, on ne peut pas laisser faire ça, l'Afrique aura encore reçu un coup terrible qui va jouer sur son avenir. Vous voyez donc l'enjeu de cette affaire? L'enjeu, c'est pas une affaire. L'enjeu est panafricaniste, authentiquement panafricaniste, au sens noble du mot. L'enjeu, c'est qu'on arrête de faire comme on l'a souvent fait. Quand un pays africain est attaqué, tant que notre pays n'est pas attaqué, on dort. On dit que l'on a donné don. Mais bon, c'est entre eux là-bas. Il y a les gens qui ont voulu nous démontrer ça ici, nous demander, mais pourquoi vous mêlez les affaires de la Côte d'Ivoire? Vous êtes ivoiriens. Je pense qu'ils se cachent, ils rasent les murs. Mais vous voyez ce que ça voulait. Le niveau d'ignorance, n'est-ce pas? D'ignorance et d'inconsistance historique qui avait cours sur le continent, mon cher Machin. De quoi est-ce qu'il s'agit? Nous parlons d'une affaire qui a été réglée, Machin. La souveraineté de Madagascar sur les îles Éparses, les cinq îles Éparses, n'est-ce pas, a été reconnue et réglée par la résolution, il faut dire ça, la résolution 34-91 de l'Assemblée générale de l'ONU. On est en 79. Pour rappeler ça. Mais et là, vous allez voir dans quel monde on se trouve. Bachir, quand c'est voté par l'Assemblée générale, les puissances onusiennes, c'est-à-dire la France, manœuvrent, c'est ce qu'on va dire. On dit non, c'est une résolution non contraignante. Non, il faut que le monde nous écoute. Ce qui se trame dans l'affaire qu'on appelle l'ONU là, cette organisation criminelle, comme moi je la désigne, c'est-à-dire que la souveraineté, ce sont des îles malgaches, il n'y a pas de débat. Historiquement, c'est établi. La France, comme elle a fait dans tous les pays africains, lors des débats, des discussions sur la décolonisation, sa fausse décolonisation, Bachir, elle décide unilatéralement, écoutez bien, de faire main basse sur ces îles-là. C'est-à-dire le vol en plein jour, le vol, le crime en plein jour. C'est-à-dire qu'un territoire ne vous appartient pas, parce que vous vous appelez France, vous décidez un matin que ça m'appartient. Pourquoi? J'ai des droits coloniaux. C'est le seul argument. Hein, que j'ai des droits coloniaux. C'est-à-dire, la France passe son temps à vouloir, sans le dire ouvertement, mais elle passe son temps à rappeler que nous avons tous colonisé. Et comme on est tous des colonisateurs, si vous me lâchez ici, moi je peux vous lâcher ailleurs. Donc j'ai des droits coloniaux. C'est ça qui amène l'ONU. Parce que les gens qui vont venir nous dire que non, il y a le droit international. Tout à l'heure, on reviendra sur la RCA. On mettra l'ONU à sa place. Donc, on parle qu'il y a un droit international, mon cher Bachir. Voilà un pays qui va arracher les territoires qui lui appartiennent pas par la force. Quand la dynamique décolonisatrice formelle, parlons comme ça, les indépendants se mettent sur la table. Qu'est-ce qu'elle fait, Bachir? Elle n'arrange pas la force. Il faut que les gens qui nous entendent parler soient terre à terre. C'est-à-dire, c'est un voleur qui est dans ta maison, tu es assis, il prend ton congélateur, il prend ta télévision, il prend ton argent, il prend tout ce qui est de valeur chez toi. Mais en plus, Bachir, qu'est-ce qu'il fait? En passant, il regarde ta fille, elle est jolie, il la viole devant tes yeux. En passant, il regarde ton épouse, il la viole devant tes yeux et il te dit, monsieur, souris. Si tu t'énerves, je t'abats. Souris. Et te voilà obligé de sourire pour préserver ta vie, mon cher Bachir. Quand tu sors de là, tu es un homme traumatisé à vie. Et tout ce que tu souhaites, c'est de retrouver ce voleur et lui régler son compte, mon cher Bachir. Ceux qui sont faibles se suicident. Il faut qu'on parle terre à terre pour que les gens comprennent ce que ce pays qu'on appelle la France fait. Quelle est sa pratique politique? Quelle est la philosophie qui règne au sommet de l'État français, mon cher Bachir? Et il faut qu'on parle ici pour que le peuple français, à qui je viens de témoigner ma solidarité historique, sache quelles sont les classes qui la dirigent, Bachir. Quelle est la nature de l'établissement politique français qui parle au nom de la France? Et que si les Français avaient donné un vrai sens aux manifestations publiques qu'elles sont en train de faire là-bas, démocratiques, qu'elles sont en train de faire en France, ils doivent converger ces manifestations vers sa seule destination, liquider la classe politique française. Ce sont des criminels qui sont à la tête de la France, mon cher Bachir. Donc, la France arrache pas la force ces îles-là, Bachir. Et elle dit, et vous savez, elle dit, après elle dit, bon, ça n'a pas d'intérêt, c'est sans intérêt. Comme elle disait de la Centrafrique hier, comme elle disait du Tchad, que non, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Alors qu'en fait, c'est sa réserve stratégique, Bachir. Maintenant qu'en Afrique, on est en train de pourchasser la France. On pourchasse la France. On la pourchasse et qu'elle voit les peuples s'organiser de plus en plus contre elle, du moins contre sa politique, mon cher Bachir. Les îles éparses ne sont plus réserves. Ça doit devenir quelque chose qu'on peut exploiter immédiatement pour compenser ce qu'on perd ailleurs, mon cher Bachir. Il faut expliquer aux gens les enjeux de cette affaire. Et quand il se passe, en octobre dernier, le jupitérien tyran, petit nazi, n'est-ce pas, va à Madagascar et dit, c'est ici la France. Non, parce que quand nous on parle ici, vous dites qu'on va battre. Alors, quand on le provoque matin, midi, soir, quand un individu qu'on appelle président de la France, qui ne sait pas ce qu'il fait sur terre, passe le temps matin, midi, soir à provoquer les Africains, dans leur dignité les plus alimentaires. Chaque jour qui passe, il doit poser un acte pour nous infantiliser, pour nous déshumaniser, pour casser notre morale et nous amener à renoncer à notre statut d'être humain digne et conscient de l'être. Les gens ne disent rien. Mais quand nous, on fait remonter ça à la surface, on dit qu'on est anti-français. Je m'en fous, je suis anti-français, je m'en fous. Ce n'est pas un dirigeant français qui me dit ce qu'il doit faire. Je ne cherche pas à être aimé par la France. La France, c'est quoi? On verra dans les années qui viennent. On verra dans les années qui viennent. Alors, plus vous qui cherchera de, non, non, non. Je suis avec vous. Hein, ouais, il ne faut pas me faire perdre d'idées, Bachir. Je ne vous fais pas perdre. Je vous en prie. Allez-y. Nous restons toujours sur les questions, vous l'avez dit, diplomatiques. Je vous en prie. Voilà. Donc, vous voyez très bien ce qui est en train de se passer. Monsieur Macron va là-bas, il se met, il nague les Malagasy, c'est ça. Il est le Malagasy. Il nague les Malagasy et il nague le chef de l'État de ce pays. Il dit, je suis ici en France. Alors qu'il y a une résolution de l'ONU, la question est tranchée depuis les années 70. C'est tranché depuis, mon cher Bachir. C'est arrêté depuis. Vous appelez ça quoi? C'est pas une déclaration de guerre, ça, mon cher Bachir. Deuxième chose. Comment explique ce que signifie résolution non contraignante de l'ONU? Pendant ce temps, il y a les résolutions immédiatement exécutives. Quand il faut aller tuer Kadhafi, quand il faut aller tuer le maréchal Déby, vous me direz, il n'y a pas de résolution. Il y a. C'est la continuité de ce qu'ils ont fait en Libye qui permet de tuer le maréchal Déby. En tout cas, il n'y a pas eu de résolution. Je dis que c'est la continuité de la résolution. La résolution de l'ONU sur la Libye qui a créé les bases géopolitiques et opérationnelles de l'assassinat du maréchal Déby. La France s'est servie de ce No Man's Land, alors vous, pas, vous dites, de ce No Man's Land. L'assassinat du président Déby n'est qu'une conséquence de la résolution. Non, oui, c'est la France qui a tué Déby. Okay. Je suis constant. Et le Jupiterien l'a reconnu, pratiquement l'autre jour, dans une conférence publique, conjointe avec celui qui dit qu'on l'appelle président du Niger. Nous, on sait qu'il est président, mais il demande, vous ne m'avez pas vu, je suis le président du Niger, alors que nous, on sait. Mais on comprend ce que ça veut dire. Donc, M. Bazoum, l'État 2, le Jupiterien, sans que personne lui ait posé la question, s'est levé et a dit, le maréchal a été tué par les rebelles. Vous avez suivi ça, non? Bon, vous lui avez demandé quelle enquête il a fait. Quand c'est le président Balakani et Tassinda et nos amis panafricanistes, quand on parle, vous dites que où sont les preuves? M. Macron avec les preuves, qui dit. Mais il a la preuve, c'est lui qui a tué. C'est lui qui a tué. J'avais à démontrer ça ici, Bachir. On va prenez les émissions passées. Nous l'avons démontré. Mmh. Moi, je ne bouge pas là-dessus. Hein. Je ne bouge pas. C'est M. Macron qui a tué le président Déby. Alors maintenant, il va à Madagascar. Il déchire une résolution de l'ONU. Il la déchire. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit non, il faut négocier. Écoutez bien, il faut négocier un projet de co-développement des îles éparses sous la direction de la France. Une fois de plus, l'Afrique est en guerre. Parce que vous allez faire comment? Prenez tous les manœuvres là, faites la langue de bois comme vous voulez, prenez les grands airs, faites la diplomatie comme vous voulez, vous allez descendre sur terre. C'est une déclaration de guerre. C'est l'Afrique qui est en guerre, mon cher Bachir. Pourquoi je le dis? Et là, je reviens sur la sociologie politique que Bertrand a dessinée. Pourquoi Macron fait ça? Macron est conscient qu'il n'y a pas de classe politique à Madagascar. Qu'ils sont divisés et faibles. Que la plupart sont parisianisés, corrompus, Bachir. L'héritage historique de Madagascar, c'est quoi? Ce sont des grandes familles qui copartagent avec le colonat, le néocolonial, qu'il appelle K40, n'est-ce pas, qui partagent Madagascar. Ces grandes familles ont fait main basse depuis 1960 sur l'économie du pays. C'est-à-dire bien, en partage, les miettes que le K40 laisse, et ils se partagent ça. Et tous ces gens-là, ces grandes familles, ont une base en France, mon cher Bachir. Rajoelina a créé un espoir. Il vient de nulle part. C'est un DJ. C'est pas une injure. Hein. C'est pas une injure. C'est un DJ. Dans la Providence, a voulu sortir quelqu'un de nulle part pour le mettre au sommet de l'État. Pour qu'il prenne conscience de sa responsabilité, mon cher Bachir. Qu'il voie les enjeux. Moi, je ne vais pas revenir sur la manière dont il a été élu. Bertrand l'a rappelé. Les accointances qu'il a fait avec les Bolloré et Paris. Bon. Ça, c'est dans son premier mandat. Oui, disons. Le second est très critiqué du côté de Paris, ce qui a créé d'ailleurs un refroidissement des relations, puisqu'on l'accuse d'avoir été adoubé par la Russie. Je voulais vous dire qu'on fait avec. D'accord. On fait avec. Mais vous il estime tout de même qu'il n'a pas de problème avec la France, dans sa relation avec la France. Je ne sais pas. Qui continue à croire qu'il n'a pas de problème? Il a un problème très sérieux. Il ne peut pas le dire parce qu'il est président. Mais nous, on va le dire. Parce qu'on veut détruire son pays. Et d'ailleurs, il a dit qu'on veut me tuer parce qu'il défend mon pays. Oui, il l'a dit. On veut me tuer parce que. Bon, il commence. D'ailleurs, je voudrais féliciter le fait que c'est un des rares présidents qui vient me poser sur la place publique. Une situation comme celle-là. Ouais. D'autres ne parlent pas. Ils disent qu'ils sont sages. Ils font la sagesse. Et finalement, ça finit par leur assassinat. Mm-hmm. Mais on a là un président qui vient poser à la conscience africaine, Bachir, et mondiale, le fait qu'on veut me tuer parce qu'elle défend mon pays. Et c'est un problème que nous avons posé ici. Le fait que les présidents patriotes, on les tue. Mm-hmm. Et nous avons dit aux Africains de régler ça. Parce que sinon, vous n'aurez plus un président patriote. Et vous vous en prendrez qu'à vous-même. Et quand vous dites aux Africains de régler ça, comment ils font? Mais, comment ils doivent? Comment devrait-il faire? Je dis, qui les dit? Africains, bon, vous voulez... peuple, c'est oui, ça oui, ah, d'accord. Oui, d'accord. Comment est-ce que les Africains font pour regarder les matchs internationaux qu'ils regardent là? Les gens sont alignés devant les télévisions, ils sont souvent 200, 300. Ils peuvent mourir. Leur enfant peut disparaître tant qu'il y a un match. Ils regardent Ronaldo, Ronaldinho, tous ces gens-là, ils regardent. Qui les apprend? Ils ont appris ça à faire ça quand, mon cher Bachir? À faire des paris sur ça? Qu'est-ce qui amène les Africains à aimer écouter France 24 RFI? Qui les apprend ça? C'est une interpellation, Bachir. Les peuples doivent comprendre que ce n'est pas une affaire des mains dirigeants ou pas. Quand quelqu'un est déjà président de votre pays, mon cher Bachir, puisqu'il est assis là comme ça, il vous dirige, vous devez le regarder autrement. Hein, Bachir? Et vous organisez en conseil, quand ils savent le faire. J'avais dit, c'est que le jour la France, les Américains vont sentir ce qu'on appelle une riposte qui soit à la hauteur de leur crime contre un dirigeant africain, ils vont arrêter. C'est parce qu'ils savent, excusez-moi, qu'il n'y a pas de peuple africain, il y a des populations divisées, dont la conscience historique est encore faible, parlons comme ça. Nous avons beaucoup travaillé depuis 10 ans, ça monte. Mais ce n'est pas encore arrivé là où il faut arriver. Est-ce que les divisions qu'il y a aujourd'hui, les divisions sociopolitiques que vous avez évoquées, que ce soit vous ou Bertrand Tachinda, est-ce que ça favorise justement ce bloc? Non. Malgache, mais merci. Non. Et c'est là où Paris joue. Moi, pourquoi j'interpelle les populations africaines, la jeunesse africaine, ma chérie. Nous travaillons depuis 10 ans. Les résultats sont incontestables. Mais il faut qu'on arrive à un niveau où certaines choses ne doivent plus se passer sur ce continent. C'est-à-dire qu'on touche un petit potentiel africain, et qu'après, les dirigeants occidentaux se baladent en Afrique comme ils veulent, sans aucun problème. C'est ce que j'ai envie de dire. Nous ne mentons pas. Tant que ça va rester comme ça, ce sont les démocrates africains qui vont continuer à faire leur cinéma, leur trahison là en plein jour. Faire croire que vraiment, il y a un projet démocratique, n'est-ce pas, derrière un dirigeant occidental. Alors que c'est la criminocratie. Donc, Bachir, là, le pays est divisé politiquement. Vous avez cette opposition fanfaronne avec tous ces gens-là qui sont là simplement pour donner les coups de franche à Paris, pour faire chanter tous les dirigeants qui sont au pouvoir. Tu t'amuses, on te remplace, on vous tient comme ça. La fausse société civile, voilà pourquoi nous, on doit aider Madagascar. Les panafricanistes ont pour responsabilité de prendre en charge ce problème. Il n'est pas question, Bachir, que Madagascar perde ces îles-là. Il n'est pas question d'un co-développement que Paris foute le camp à Madagascar. Ces îles appartiennent à Madagascar. Point. Il n'y a rien à négocier avec M. Macron, mon cher Bachir. Je termine avec la question de l'Union africaine. Mon cher Bachir. D'abord, j'ai interpellé sur le silence des démocrates africains qui font semblant de ne pas voir que l'acte de Macron, c'est un acte nazi. On appelle ça l'Angelus. L'Angelus, c'est quoi? Il laisse lever un matin, il a vu la Pologne. Ça ne rentre pas. Il dit, j'envahis. Monsieur Macron, la France a envahi Madagascar et allé voler Madagascar. Veut arracher le territoire de Madagascar, mon cher Bachir, en plein jour. Les gens voient. Il y a une résolution de l'ONU qui a tranché l'affaire sur le plan juridique. Il y a même un arrêt de la Cour internationale de justice qui a tranché l'affaire. Le Jupiter, le matin, il va attaquer les Africains. Il dit, je suis ici en France, en plein jour. Bachir, s'il fait ça à un pays occidental, c'est une guerre. On parle, c'est une guerre. Mais il est en Afrique. Il est démocrate, docteur en doctorat. Il a dit, intelligentsia jupitérienne, parce qu'il qualifie d'autres de l'impel intelligentsia. On se comprend? L'intelligentsia jupitérienne, tellement élevée, qui font seulement de ne pas voir ça. Voir comment un gars, en plein 21e siècle, se comporte comme pique Hitler. Après, ils vont dire non, il y a des tyrans en Afrique. Paul Biya, c'est un tyran. Déby, c'est un tyran. Où est-ce que c'est mon gars? Lui, au moins, je peux le citer parce que bon, on est passé comment dans certains combats. S'il entend, il sait de quoi je parle. Donc, ils sont où? Pour dénoncer. Voilà un acte de guerre, ma chérie. Parmi d'autres, que la France aligne matin, midi, soir, accompagnée par les Américains, par l'ONU et l'Union européenne, tous les jours, contre l'Afrique, ma chérie. Donc, nous, les panafricanistes, on ne laissera pas faire, ma chérie. À partir de maintenant, le dossier de l'île là, des îles là, c'est un dossier, ça sera pour nous comme la Côte d'Ivoire. Ça sera pour nous comme la CPI. Il faut que tous les jours, matin, midi, soir, nous parlons de ces îles-là qu'on veut voler au continent africain. Maintenant, je suis avec l'Union africaine. Bachir, vous trouvez ça normal? C'est pas une malédiction? Est-ce que c'est pas une malédiction profonde qui nous frappe? Est-ce que l'Afrique mérite d'avoir quelque chose comme ça? Un truc qu'on appelle Union africaine qui fait ce qu'on voit là, Bachir. Est-ce que l'Afrique mérite ça? Pourquoi elle ne dit rien, Bachir? C'est trop demander à l'Union africaine de se lever un peu, de travailler une seule minute pour l'Afrique. C'est trop demander. Oui, nous savons qu'ils sont salariés. Ce sont les employés. Nous sommes des affamés. Si on coupe les salaires, ils vont mourir. On sait qu'ils sont payés en euros et même en dollars. Mais ils parlent à notre nom, Bachir. Ils osent parler en notre nom, Bachir. C'est trop demander à ce fichu parlement de l'Union africaine, à son chef de commission, Mahamat, pour qui on a travaillé, c'est pour qu'il soit élu. Parce que nous, on se tenait le maréchal Déby, Bachir. C'est trop demander de prendre l'affaire là en charge, de ne pas laisser faire comme ça a été en Libye, pour après pleurer qu'on fait sans nous. comme il pleure. Quand tu as les conférences maintenant à Berlin, sur la Libye, il pleure. Alors que devant, quand ça chauffait, Bachir, en dehors de quelques agitations soporifiques, n'est-ce pas, pour saupoudrer, l'Union africaine n'a rien fait. Voilà un dossier que l'Union africaine doit prendre. En faire l'objet d'une séance extraordinaire, Bachir, et de son Parlement, et même de sommet de chef d'État, Bachir, oui, pour dire non. Il est encore temps pour dire non. Parce que si Madagascar tombe, c'est l'Afrique qui est tombée. Madagascar est une porte d'entrée pour l'Afrique. C'est une porte d'entrée très importante pour nous. Donc quand le président Maga a changé de crier là, on fait semblant de ne pas voir. On n'a pas tiré les leçons de la Côte d'Ivoire, ni de Kadhafi. C'était oublié. Aujourd'hui, nous, on a l'Afrique centrale. Mais les conséquences de ce qu'il y a eu en Libye, aujourd'hui, Boko Haram a fusionné avec avec Daesh, mon cher Bachir. Vous voyez que quand nous, on disait ici que l'affaire de Libye, là, c'est nous qu'on vise. Certains gens pensent que non. Et ce sont des bavards. Comme ils disent qu'ils bavardent. Ils bavardent sur les plateaux de télévision. Alors qu'on vient enseigner. Dis des choses qui arrivent. Voilà Madagascar qui commence. Le Jupiterien fait semblant d'endormir les gens. Il joue là. Mais un matin, vous allez vous réveiller que Madagascar est tombé. Et c'est pour ça qu'on veut tuer ce jeune président Bachir. Voilà le but de l'assassinat, mon cher Bachir. Et ça vous rappelle ce que j'avais dit sur ce plateau avec vous. Quand je vous ai dit que Macron a un agenda secret qu'il doit mettre en œuvre entre juin et septembre, je vous l'ai dit ici, et dans lequel je vous ai dit, il faut tuer des panafricanistes et tuer des chefs d'État. On a dit Babat. On a perdu le maréchal Déby. On a perdu Jovenel Moïse. Parce que Haïti, c'est l'Afrique. On a perdu Magufuli, un très bon président. Très, très bon président. Authentiquement panafricaniste, qui en 5 ans a développé son pays sans prendre 5 francs, Bachir, à la communauté financière internationale. 5 francs. Ils l'ont tué, mon cher Bachir. On a voulu tuer Touadéra. Voilà qu'on veut tuer le président Rajoelina. Pourquoi? Pour la même cause. Il faut qu'on se réveille un peu. Très bien. Merci.